Nous, c'était du bleu, un ciel d'été, un océan transparent. Nous étions deux et l'on s'aimait à faire arrêter le temps. Mais le temps nous a trahis. Alors pourquoi m'avoir promis la terre entière? Notre amour aurait suffi. No!